Pourquoi nous dissimule-t-on les mesures de radiation? Quelle dose recevons-nous? Après le départ du général, le commandant de l'unité a convoqué les soldats pour lui passer un savon. C'est de la provocation, tu sèmes la panique? Quelques jours plus tard, nous avons reçu des masques à gaz, mais personne ne les portait. On nous a montré des dosimètres à deux reprises, sans nous les donner. Trois fois par mois, on nous laissait passer deux jours à la maison. Avant notre retour définitif à la maison, nous avons été convoqués à tour de rôle par un collaborateur du KGB qui nous a conseillé instamment de ne jamais raconter à personne ce que nous avions vu. Lorsque je suis rentré d'Afghanistan, je savais ce que j'allais vivre. Mais Tchernobyl, c'était le contraire. Cela ne durait qu'après notre départ. Nous étions tous jeunes, célibataires. Nous avions foi en notre étoile et ne portions pas nos respirateurs. Nous, on nous jetait comme du sable sur le réacteur. Pour cet exploit, j'ai reçu 1000 roubles et un diplôme d'honneur. 1000 roubles et un diplôme d'honneur. J'ai reçu des ordres et j'y suis allé. Il le fallait. J'étais membre du parti. Les communistes en avant. Telle était la situation. J'étais sergent chef de la milice. On m'a promis une étoile d'adjudant. C'était en juin 1986. Plus loin, le toubib, lui, ne touchait à rien. Lorsqu'il devait analyser des aliments, il marquait que tout était normal, mais ne procédait à aucun examen. Nous l'avons tous remarqué. Plus loin encore, page suivante, ces gars emportaient du foin en tas entiers. Mais dans ces tas, nous trouvions des machines à coudre, des motos. Je suis parti au bout de 6 mois, lorsque la relève était enfin arrivée. En arrivant à destination, nous avons changé d'uniforme. Le capitaine nous a rassurés. La catastrophe a eu lieu il y a 3 mois. Maintenant, il n'y a plus de danger. Le sergent nous a dit « Tout va bien, lavez-vous simplement les mains avant de manger. » J'étais dosimétriste. Sans doute emportait-il tous ces objets dans les marchés de Kiev ou de Minsk. Voyez les objets trouvés sur place. Hein. Ça permettait d'alimenter un marché noir. Tu es désormais un Tchernobylien. J'aurais peur d'avoir un enfant de toi. Des cochons devenus sauvages gambadaient dans les villages vides. Sur les bâtiments administratifs des kolkhozes et des clubs des villages, il y avait des banderoles donnant du pain à la patrie. Ou encore « Gloire aux travailleurs des champs soviétiques ». Ou encore « L'exploit du peuple est immortel ». Comme tout le monde, j'avais un dosimètre accroché au cou. La quantité de radiation que nous avions reçue demeurait strictement confidentielle. Et même au moment de mon départ, ils ne m'ont pas dit combien j'en avais reçu. Je passe une page ou deux. On nous fait signer un document de confidentialité. Je me suis tué. En sortant de l'armée, je suis devenu invalide au deuxième degré. J'ai fait ma part. Nous transportions le graphite dans des seaux. 10 000 röntgen. Mais nous le ramassions avec des pelles ordinaires, en changeant jusqu'à 30 fois par jour le filtre de nos masques. Les muselières, comme disaient les gens. Une pyramide du XXe siècle. J'ai vu agoniser un ami. Il a gonflé. Il est devenu énorme, comme un tonneau. Et un voisin, il était là-bas lui aussi, opérateur d'une grue. Il est devenu noir comme du charbon et a rétréci jusqu'à la taille d'un enfant. Je conserve une coupure de journal à propos de l'opérateur Leonid Toptounov. Il était de service à la centrale cette nuit-là. C'est lui qui a appuyé sur le bouton de sécurité quelques minutes avant l'accident. Mais le système n'a pas fonctionné. On l'a soigné à Moscou. Les médecins disaient, pour le sauver, il lui faudrait un nouveau corps. Il ne lui restait qu'un petit morceau de peau non irradié dans le dos. Il a été enterré comme les autres au cimetière de Mytino. L'intérieur du cercueil était bardé de feuilles de métal. Il était couvert d'un mètre et demi de blocs de béton doublés de plomb. Son père pleurait, mais les gens lui disaient « C'est ton salaud de fils qui a tout fait sauter. » Ah non, il avait essayé d'éviter. De là-haut de l'hélicoptère, lorsqu'il volait bas au-dessus du réacteur, j'observais des chevreuils, des sangliers, maigres et somnolents. Ils bougeaient comme s'ils étaient filmés au ralenti. Ils mangeaient l'herbe qui poussait là et ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait partir. Partir avec les gens. Une question d'honneur. Lui, il n'a pas pu, mais moi, je vais le faire. Maintenant, après 9 opérations et 2 infarctus, je suis d'un avis différent. Je ne les condamne pas, je les comprends. De jeunes gars. Du ciel, j'étais frappé par la quantité de moyens de transport, les hélicoptères lourds, les hélicoptères moyens, le Mi-24 et un hélicoptère de combat. Que pouvait-on faire avec des engins de combat à Tchernobyl ? Il y avait là une grue importée de RFA, République fédérale d'Allemagne, morte. On l'avait installée et elle était morte. Les robots mouraient aussi, les autres, les nôtres, ceux de l'académicien Loukachev pour les recherches sur la planète Mars et ceux fournis par les Japonais. Visiblement, les radiations étaient telles que tous les équipements brûlaient, mais les petits soldats en combinaison et gants de caoutchouc couraient dans tous les sens. Avant notre départ, on nous a prévenu que les intérêts de l'État exigeaient le maintien du secret sur ce que nous avions vu. À part nous, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé là-bas. Nous n'avons pas tout compris, mais nous avons tout vu. Bon, nous sommes arrivés à la page 88. Je pense que la dose de radiation sera suffisante pour ce soir. Nous allons donc écouter un peu de musique. Je t'aime loin, tu dis je t'aime loin, et tu dis toi seul sais qui je suis vraiment, et qu'importe alors la distance ou le temps, je m'en vais, tu souris. Tu dis c'est ma vie, et j'ai endormi l'amour au fond de moi. Je ne pourrai plus me clouer à ta croix et saigner, saigner. Je t'aime loin. Je t'aime loin, et j'aurai tant de tendresse à te donner. Depuis tout le temps que j'en mets de côté, j'en ai pour deux. Pour deux. Mais de quel droit frappes-tu chez moi? Oh, ma porte est close et je n'attends plus rien, ni le soleil dans tes yeux de bohémien. Amoureux, amoureux. Je t'aime loin, tu dis je t'aime loin, j'aime aussi ta bouche posée sur mon cou, je me sens alors tellement près de nous, mais je m'en vais, je t'aime loin. Tu dis je t'aime loin, je veux tout prendre et tout donner. Le souvenir de moi que tu peux garder, c'est quand je disais, je t'aime loin. c'est je t'aime loin, je t'aime loin. Tu sais, je t'aime loin. Mais le général refuse, il ne veut pas se mêler de politique. La CIA soutenait un groupe qui était censé préparer une alternative à Allende et recueillir des fonds dans ce but. Mais ils ont enlevé un des généraux d'Allende. Le général Schneider, oui, et il a été tué dans ce coup foireux. Il n'avait pas l'accord des Américains. Ce n'était pas un plan américain, mais c'était des fonds de la CIA, ce qui, aux yeux de nombreux juristes, nous rendait responsables. Malgré l'assassinat du général Schneider, Allende prend ses fonctions. Un duel inégal commence entre Allende au sud et Nixon au nord de l'Amérique. Nixon est prêt à tout pour rendre la vie impossible au nouveau président chilien. Celui-ci veut nationaliser les compagnies américaines. Un duel à distance. La CIA finance des groupes d'opposition au Chili. Ils exploitent sans hésiter la moindre erreur du gouvernement socialiste d'Allende. Les troubles se multiplient. Les adversaires d'Allende savent depuis le début qu'ils peuvent compter sur les États-Unis. Les pressions rendent la position d'Allende de plus en plus intenable. Il y avait des comités qui examinaient les plans d'action proposés par la CIA ou le Pentagone. Des plans secrets. Quel était le rôle de Henry Kissinger? Il était membre du comité, je crois qu'à cette époque, il le présidait. Mais il n'avait pas carte blanche. Il fallait l'accord de tous les départements concernés. Il avait à coordonner ses actions. Il les coordonnait, mais il devait s'assurer que tous les approuvaient. Nous ne connaissons pas le contenu de ces conversations parce qu'elles sont toujours classées confidentielles défense et n'ont jamais été publiées. Mais nous savons que dans ces réunions internes, il défendait avec acharnement la position de Nixon en transmettant à la CIA ses ordres, qui étaient d'entreprendre quelque chose contre Allende. Il y mettait toute son énergie. Lorsque le gouvernement chilien perd le contrôle de la situation, un groupe de militaires décide de tenter un putsch. Les chasseurs de l'armée de l'air chilienne bombardent le palais présidentiel. Je ne peux que recommander aux téléspectateurs de lire un ouvrage sérieux sur la question et de ne pas se laisser abuser par toutes les arguties qui ont marqué cette discussion. Permettez-moi de poser une question plus générale. Le Chili était un État souverain. Pourquoi était-il si important pour les États-Unis de... Parce que nous venions d'assister à l'installation des missiles à Cuba en 62. Et qu'au même moment, les Soviétiques étaient en train de construire une base de sous-marins à Cienfuegos, à Cuba. L'Argentine était au bord de la guerre civile. Et notre évaluation de la situation correspondait à celle des gouvernements précédents. Nixon n'a rien inventé. Kennedy et Johnson avaient appliqué la même politique avec plus de succès au moment des élections. Voilà pourquoi nous étions concernés par ces problèmes. Mais je n'ai rien à ajouter. Inutile de continuer sur ce sujet. Le 11 septembre 1973, on annonce la mort de Salvador Allende. On ne sait pas encore s'il a été assassiné ou poussé au suicide. 5 jours plus tard, un dimanche, Nixon, apparemment de très bonne humeur, appelle Henry Kissinger. Il existe une transcription de cette conversation privée. Le président parle d'abord de choses et d'autres. « Où êtes-vous, à New York ?» Kissinger lui répond. « Non, je suis à Washington, je travaille. J'irai peut-être voir un match de football cet après-midi, si j'ai fini. » Nixon. « Bien, bien, c'est le début de la saison. C'est mieux qu'à la télévision. Rien d'important de votre côté ?» Kissinger. « Non, pas grand-chose. La situation au Chili s'améliore. » Et bien entendu, les journaux se lamentent parce qu'un gouvernement pro-communiste a été renversé. Nixon, elle est bien bonne. Kissinger, au lieu de nous féliciter, sous Eisenhower, on aurait été des héros. Nixon, oui, mais n'oubliez pas que nous n'avons rien à voir dans tout ça. Kissinger, ce n'est pas nous. Nous avons seulement donné un coup de pouce en rendant les choses possibles. Arlene Vanhoenacker, vous retracez la première journée de François de Rugy au ministère de l'écologie. 7h, dès le réveil, François enfourche son vélo elliptique. L'outil parfait pour fournir de l'effort tout en faisant du surplace. Puis il file sous la douche, où il en profite pour faire pipi. Il paraît que c'est plus écolo. 8h, arrivé au ministère où son équipe fait le point sur ce qu'ils ont accompli en un an. Il y a eu des avancées majeures. Véronique, en charge de la loi littorale, elle a dépassé le niveau 140 à Candy Crush. Au service énergie renouvelable, Didier est sur le point de terminer un buste en érable à l'effigie d'Antoine Wechter. Quant à Marie-Noël, l'ingénieure agronome, elle arrive à jouer au clair de la lune en tapant sur le clavier de son smartphone avec le nez. 9h30, il est temps de passer à l'action. François de Rugy décide de baisser de 2 degrés la climatisation dans les bureaux. Une solution réaliste et pragmatique. 11h, François découvre que les employés ont conservé des posters de Nicolas Hulot parsemés de petits cœurs. Il les remplace par des affiches flanquées de son slogan « Oui, on peut faire marcher main dans la main, économie et écologie ». 3 minutes plus tard, quelqu'un ajoute au feutre « Oui, on peut, mais vers le précipice ». Midi, SMS du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. « Ça te dirait un petit barbecue ? Charal m'a fait livrer 12 côtes de bœuf ». 15h, enfin une réunion avec de vrais écologistes de terrain. Les chasseurs, amis de la biodiversité en terrine. 16h, le nouveau maître des lieux a l'idée de poser un geste fort, repeindre en vert la façade du ministère. Allez, on fonce, on appelle Stéphane Bern pour obtenir l'autorisation. 16h15, refaire la déco demande plus de temps que prévu, il faut donc reporter la réunion sur le nucléaire. François propose de la programmer vers 3h du matin pour plus d'intimité. Enfin, un SMS de Bayer Monsanto. Les amendements sont rédigés, passe les prendre quand tu veux. 17h, c'est la panique. La clim du bureau s'est éteinte. Il va falloir être pragmatique et ouvrir les fenêtres. Il n'y a plus personne pour la réparer depuis qu'ils ont viré Benalla, où il était aussi en charge de la tuyauterie des ministères. 20h, François dîne au restaurant avec sa femme. Au moment de payer, il sort son étui à carte bleue. Tu vois chérie, cet étui est 100% graines de lin. C'est bien la preuve que l'économie n'est pas incompatible avec l'écologie. 22h30, au moment de se coucher, François s'aperçoit qu'il a oublié son portable au restaurant. Pour la première fois de sa journée, il est vert. Merci Charlie. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. S'ils hésitent, je leur propose de ne plus le faire, c'est-à-dire qu'ils renoncent. L'impôt à la source est une très mauvaise idée. Il ne faudrait pas qu'on enferme le débat sur la technique, c'est-à-dire est-ce que ça va marcher ou pas. Bon, ben, oui, c'est un problème, bien sûr, mais c'est l'idée même qui ne vaut rien. Les chefs d'entreprise sont déjà beaucoup des percepteurs. Pour la TVA, pour ceci, pour cela, les cotisations, le truc, le bidule. Là, on leur ajoute l'impôt sur le revenu. Je doute que ça les réjouisse, mais je mets ça de côté. Moi, je me situe du point de vue de la personne, du salarié. Au nom de quoi mon employeur aurait-il accès à la connaissance de mes revenus, de ceux de mon épouse si je suis marié, du point où j'en suis, pourquoi? On a droit à une intimité, et pourquoi avoir inventé cette diablerie? Un seul mot d'ordre, la riposte. Réunis au parc Chano jusqu'à dimanche soir, militants et sympathisants de la France insoumise n'ont pas de mots assez durs pour évoquer la politique menée par Emmanuel Macron. Ah ben, Emmanuel Macron, je crois qu'il a montré ses limites. Hein. Bon, je crois que effectivement, c'est du fascisme souple, soft, très soft, mais c'est quand même bon. Ben, effectivement, la décrédibilisation des institutions républicaines, c'est le règne du copinage, c'est beaucoup de choses comme ça. Dans vos arguments, enfin dans la délivrance de votre message. C'est pourquoi les troupes de Jean-Luc Mélenchon se préparent au combat dans des ateliers de formation pour militants comme celui-ci, afin de mieux convaincre les électeurs de refuser la politique d'austérité. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, on le voit en Italie, l'austérité ne paye pas. Moi je suis un Italien, j'habite en France depuis 3 ans et je vois malheureusement les mêmes politiques d'austérité, la précarité qui augmente. Il ne faut pas faire payer la crise aux travailleurs, il faut faire payer la crise à qui a créé cette crise. Et c'est le patronat, c'est la spéculation, c'est les banquiers. Pour les leaders du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ne doit pas être seulement une force d'opposition, mais aussi de proposition. Finalement, le révolutionnaire. Nous, ce qu'on veut, c'est pas simplement le rejet de la Macronie, c'est proposer une autre façon de faire société ensemble qui permette de relancer l'idéal de progrès humain, de partage des richesses, de partage des savoirs aussi. Et donc, c'est cet autre paradigme, cette autre vision du monde que nous portons et que nous travaillons à l'occasion de ces universités d'été, de ces amphis d'été à Marseille. Prochain objectif du parti, les élections européennes de mai 2019, que la France insoumise voit comme un véritable référendum anti-Macron. Donc, vous allez voter insoumis à l'élection européenne, d'abord pour dire à Macron, stop, ras-le-bol, ça suffit, dégagez. Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron, parce qu'on fait des manifestations, et là, ça sera un référendum. Les citoyens français, nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée. Quand vous faites un référendum sur M. Macron, la vérité, c'est que vous faites un référendum sur l'Europe. Parce que M. Macron n'existe pas. M. Macron est juste le petit copiste de la Commission européenne et de Mme Merkel. Une ponctuation festive de nos amphis d'été. Donc on a à cœur de mettre toujours une petite note joyeuse, de se montrer, de ne pas être enfermé. De rester dans les lieux, mais de se montrer, de se donner à voir, de manière à donner du courage, de l'allégresse et de la joie dans la bataille politique, même si des fois la vie politique et même souvent sont très dures. Voilà. Ça n'a pas d'autre prétention que ça. À cet instant, j'espère qu'on n'aura pas trop perturbé le sommeil des gens, parce qu'on vient d'inventer la manif nocturne à Marseille. Charline Vanhoenacker, Stéphane Bern menace de démissionner de son poste de Monsieur Patrimoine. Je dois faire un mea culpa, parce que je dépeins toujours Stéphane Bern en courtisan du pouvoir. Et là, on découvre un rebelle, un frondeur, un anarchiste, comparé à l'écrivain Philippe Besson qui vient d'être nommé consul à Los Angeles. Besson a publié un roman à la gloire du président. Avec ça, il a remporté la Ligue des champions des lèches-culs, dont le trophée est un prestigieux poste diplomatique jadis occupé par Romain Gary, sauf que Gary, lui, était diplomate. Alors moi, au début, quand on m'a dit Besson va à Los Angeles, j'ai cru qu'on parlait du réalisateur. Mais non, c'était Philippe Lamy, Brigitte et Manu. Notez, c'est peut-être justement parce qu'il est très proche du couple Macron qu'ils ont essayé de l'éloigner un peu. L'écrivain était devenu tellement collant qu'il léchait les poignées de porte. Alors qu'il a pour habitude de dire, je cite, « D'une manière générale, je me tiens à bonne distance du pouvoir ». Et comme ça, on connaît maintenant la bonne distance du pouvoir, c'est 9000 km via Air France en classe affaires. Alors vous me direz, mais alors l'Élysée aurait aussi bien pu nommer Marc Lévy. Sauf que Lévy, il a été assez con pour s'indigner contre Macron au moment de l'Aquarius. C'était au printemps, pendant que Besson renouvelait son visa pour les États-Unis. En somme, n'importe quel écrivain aurait pu faire l'affaire à ce poste. Mais que voulez-vous, il y a deux catégories de romanciers, ceux qui sont passés chez Drouan et ceux qui sont passés à la Rotonde. Quand on pense aux tonnes de cirage qu'il doit y avoir sur les pompes du président, à qui les nommerait à côté, c'était un amateur. Un autre qui était à la Rotonde le soir du premier tour, c'est Stéphane Bern en mission pour le patrimoine. Alors lui au moins, il sait ce que c'est que la courtoisie, il prévient avant de démissionner. Mais la mauvaise, Macron lui demande de réparer le clocher de l'église sans un rond, pendant que Besson il est peinard dans sa villa californienne, en train de boire des cocktails avec Britney Spears, un verre dans la main, le cachet dans l'autre pour tamponner le passeport de Jean Reno. Alors je vous entends dire oui, mais il est peut-être très compétent. Mais bien sûr, évidemment. Alors souvenez-vous du dernier exemple de copinage quand Bruno Roger Petit a été nommé porte-parole de l'Élysée. Quand on voit le professionnalisme avec lequel il a géré l'affaire Benalla, on ne peut pas douter de sa compétence. Quant à Stéphane Bern, il a fait toute sa carrière à la télévision et puis il s'étonne qu'il ait été embauché que pour l'image. Alors il pourra toujours se féliciter d'avoir été utilisé, à défaut d'avoir été utile. Charline Vanhoenacker. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rang, c'est renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place, trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets, tient un jour son courrier, ses fichiers, ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale, dans ses urnes truquées toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs, tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Thank you. novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffé, tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, au dame un quinquina. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau. Pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote. Tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Sous la forme de fontaines de lave spectaculaires ou d'explosions meurtrières, elles peuvent engloutir des villes entières sous des nuages brûlants de cendres et de gaz, ou transformer des fleuves paisibles en torrents de boue et de débris. Les scientifiques s'efforcent de comprendre ces bombes à retardement imprévisibles. Nous avons été pris au dépourvu par ce qui s'est révélé un événement sans précédent. Nous allons parcourir la planète pour étudier certaines des éruptions les plus marquantes de notre époque. Pour la plupart des gens, Hawaï est synonyme de paradis tropical. Mais sous les plages magnifiques et les forêts luxuriantes, bouillonne un chaudron brûlant et déchaîné. L'archipel est l'une des plus impressionnantes créations volcaniques de la planète. En effet, toutes les îles hawaïennes sont des volcans. Février 1983. Le Kilauea, sur la grande île d'Hawaï, projette une fontaine de lave à 80 mètres dans les airs. Comme le magma est fluide et peu gazeux, l'éruption n'est pas explosive, mais elle n'en est pas moins dangereuse. Durant 7 années, le flot de lave se déverse. Sa progression est assez lente pour que la population puisse y échapper, mais rien ne peut l'arrêter. En février 1990, il atteint le village de pêcheurs de Kalapana, où des centaines d'habitants sont évacués. Ça a été quelque chose d'horrible à regarder parce que la lave a grignoté progressivement tout le village. Chaque semaine, un nouveau pâté de maison avait disparu. Les gens ont le temps de plier bagages et même, dans certains cas, de déplacer toute leur maison. La plupart ne peuvent qu'assister impuissants à la destruction de leur passé. On est parti dans l'après-midi et deux jours plus tard, notre maison a été engloutie par les flammes. On a vu la lave entrer dans notre jardin. En décembre, le village est rayé de la carte, enseveli sous plus de 15 mètres de lave solidifiée. Derrière moi se trouve le versant est, là où était Kalapana. En 1990, il y avait environ 150 maisons là-bas. Aujourd'hui, elles sont sous l'équivalent de 5 étages de lave. La lave qui a détruit Kalapana poursuit sa route et se jette dans la mer de manière spectaculaire. Quand la lave pénètre dans l'océan, cela crée l'un des plus beaux paysages du champ de lave, mais c'est aussi l'un des plus dangereux. Sous la lave qui durcit, le sable meuble peut s'effondrer brutalement. D'un seul coup, toute la lave qui était en surface se fend. L'océan s'engouffre dans la brèche, ce qui provoque d'immenses explosions et envoie des panaches de matériaux dans les airs. Ça fait l'équivalent de plusieurs terrains de football et des fragments de roches de la taille d'un ballon sont projetés dans tous les sens. Ce déchaînement n'est qu'un aperçu de ce qui s'est passé à l'époque de la préhistoire, quand des volcans ont créé les premières îles hawaïennes. C'est un processus toujours en cours aujourd'hui. Cela forme de nouvelles plages sur lesquelles la lave continue à avancer et ainsi de suite. Au final, on a une nouvelle parcelle de terre qu'on appelle un delta de lave. Depuis 1983, le Kilauea a délogé près de 200 familles et ses dégâts se chiffrent à plusieurs millions d'euros. Parallèlement, il a ajouté plus de 200 hectares à la superficie totale de l'île, poursuivant un processus entamé il y a 70 millions d'années, sans qui l'archipel d'Hawaï n'existerait pas. C'est l'exemple parfait de la puissance à la fois créatrice et destructrice d'un volcan. Le lent écoulement du magma est une menace permanente, mais qui se traduit rarement par des explosions violentes. Pour notre prochain cas d'étude, du magma plus épais, prisonnier d'une poudrière géologique, déclenchera une éruption volcanique explosive. L'un de ces monstres a dévasté la moitié d'un pays et tué 19 personnes. Montserrat, dans les Petites Antilles, est une île paisible et luxuriante. Mais en 1995, le volcan de Soufrière Hills, endormi depuis près de 4 siècles, se réveille pour de bon. Au cours des deux années suivantes, de multiples éruptions projettent de la cendre à des dizaines de mètres dans les airs. Plymouth, la capitale, est évacuée à deux reprises. À chaque fois, les habitants reviennent, espérant que la colère du volcan est apaisée. Mais le 25 juin 1997, tous leurs espoirs sont balayés. À 13h, un gigantesque nuage de cendres s'élève dans le ciel, sur pratiquement 10 km. Dans la demi-heure qui suit, un mélange de cendres et de roches, chauffé à près de 800 degrés, dévale le flanc du volcan à plus de 100 km/h. Ces déferlements meurtriers sont appelés coulées pyroclastiques. La puissance de ce cocktail meurtrier, fait de gaz, de cendres et de roches, détruit tout sur son passage. Sans pouvoir rien faire, Roy voit des villages entiers réduits à néant. Il est parvenu à échapper à la coulée, mais il n'est pas encore hors de danger. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Il faisait tellement noir qu'on ne voyait pas ses mains si on les mettait devant son visage. De la cendre chaude tombait du ciel. J'étais terrifié, paralysé. Je ne voyais rien, j'avais du mal à respirer. Je me suis dit que j'allais mourir. J'espérais quand même m'en tirer, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, Roy est évacué par hélicoptère. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Mais le volcan n'a pas dit son dernier mot. Au cours des 4 mois qui suivent, les éruptions et les coulées pyroclastiques continuent. Nous avons eu plus de 70 explosions en un mois, et jusqu'à 4 par jour. Chacune provoquait un champignon de cendres qui montait très haut dans le ciel, au-dessus du volcan. Chaque explosion a donné naissance à des coulées pyroclastiques qui se sont propagées dans toutes les directions autour du volcan. Derrière moi, vous voyez la trace de l'une d'elles. Elle a traversé cette montagne et calciné toute la végétation. L'impact des coulées pyroclastiques sur les ressources naturelles de l'île est immense. Le bilan humain, quant à lui, est de 19 morts. Chaque année, entre 1200 et 2000 mm de précipitations tombent sur Montserrat. Ces fortes pluies s'écoulent dans les tranchées créées par les coulées pyroclastiques, générant d'immenses glissements de terrain appelés lahar. La plupart de ces débris ont été déposés par des lahar, qui ont emporté les restes des coulées pyroclastiques vers l'aval, enterrant peu à peu Plymouth sous la boue et les rochers. Les lahars ont tellement recouvert la capitale qu'elle a été définitivement abandonnée. C'était la dernière salve du volcan dans une guerre brutale et inégale. Le volcan de Soufrière Hills a détruit plus d'un millier de maisons, laissé plus de la moitié de l'île inhabitable et détruit la capitale du pays. Il reste aujourd'hui environ 4500 habitants sur l'île, contre 12 000 avant l'éruption. Bonsoir Thomas. Bonsoir Nicolas. C'est la fin d'une longue histoire, vous nous ramenez 70 ans en arrière au moins. Oui, On m'a beaucoup dit depuis hier que ça y est, l'impôt prélevé à la source, c'était une nouveauté. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un retour. On l'a un peu oublié, hein. Mais entre le 1er janvier 1940 et le 1er janvier 1949, donc pendant 9 ans, eh bien, on a prélevé l'impôt à la source en France. Alors, à l'époque, ça s'appelait le stoppage à la source. Il faut expliquer un peu pourquoi on l'a fait. D'abord, on l'a fait dans un contexte de guerre, parce qu'il s'agissait de financer l'effort de guerre. C'est Vichy, l'État français, voilà, à ce moment-là. C'est l'État français. Alors, pourquoi on l'a institué? D'abord, parce qu'il fallait financer donc l'effort de guerre, parce que l'administration fiscale n'était pas très efficace. Il faut dire que c'était assez récent, hein. L'impôt sur le revenu, c'est seulement 1914. Et puis aussi, ça permettait comme ça de faire payer l'impôt à tous les foyers fiscaux, alors que jusqu'alors, il y avait seulement 15% des foyers fiscaux qui payaient l'impôt, et encore qu'ils payaient assez mal. Donc, il y a une solution qui est trouvée à ce moment-là. On va y mettre un terme donc à la fin des années 40 pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était Vichy et qu'il s'agissait de renverser ce qu'avait pu faire Vichy. C'est aussi parce que c'est un moment où l'État se consolide, il est omniprésent dans l'économie et on pense qu'il est en mesure de prélever l'impôt. Et puis il y a une dimension philosophique qu'on oublie un peu, hein, qui a été assez largement escamotée dans le débat actuel. C'était l'idée que la déclaration d'impôt, c'est presque une déclaration d'amour à la patrie. On décide soi-même de payer l'impôt. C'est un geste symbolique très fort. Et puis comme 2/3 des actifs français sont salariés seulement au début des années 50, ça permet de prélever l'impôt de tous les Français de la même manière en même temps. Ouais, on déclare ses revenus comme on déclare sa flamme. On va justement avoir très souvent envie d'y revenir à ce prélèvement. Oui, parce que c'est quand même plus simple. C'est plus efficace de prélever à la source, ça évite l'évasion fiscale. Et puis c'est d'autant plus simple qu'il y a le triomphe du salariat. Dans les années 60, on commence à avoir les 3/4 des Français qui sont salariés. Donc il y a très peu de gens qui échappent à ça. Et puis ça va monter jusqu'à quasiment plus de 90%. Donc c'est vraiment un élément favorable. Je vous passe toutes les tentatives, parce qu'il y en a eu très très souvent, qui ont toutes échoué. Mais j'aimerais vous faire entendre les propos d'un jeune énarque, centriste, ministre des Finances, moderne. Alors c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est quelqu'un qui est souvent associé à Emmanuel Macron, c'est Valéry Giscard d'Estaing. On est au moment de la discussion du budget de l'année 1974, on est donc en septembre 1973, il y a quasiment jour pour jour 45 ans. En France, on veut conserver une fiscalité, tout le monde le sait, extraordinairement démodée, d'application très difficile. Et si nous regardons autour de nous, tous les pays modernes sans exception, même l'Union soviétique, pratique la retenue à la source, qui est le système le plus simple de perception de l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, je suis persuadé que quand ce système sera clairement expliqué aux Français, ils seront en très large majorité favorables à ce dispositif. Même l'Union soviétique le fait. C'est donc le bon sens selon Giscard, et pourtant. Et pourtant, quelques mois plus tard, le Parlement enterre ce projet, notamment parce que l'administration fiscale s'y oppose. Que ferait-on de ces milliers de salariés préposés aux déclarations d'impôts? On n'a pas beaucoup évoqué ces jours-ci non plus, mais aussi déjà en raison de la crainte de l'effet psychologique sur la consommation. Au moment précis, on est quand même en 73-74, où la crise pétrolière et bientôt la crise tout court venait casser les 30 Glorieuses. Et je rappelle que le moteur de la croissance des 30 Glorieuses, c'était précisément la consommation. C'est d'ailleurs cet argument qui a bien failli tuer l'impôt prélevé à la source dans les jours qui ont précédé l'annonce d'Édouard Philippe hier soir. 70 ans après sa disparition, le prélèvement à la source est donc de retour en France. Dis donc, oui. Vous avez fait votre déclaration d'impôt, vous? Laquelle? Celle de 62. Ah non, moi je me suis arrêté à 58, moi. Pourquoi? Je me lassais. Ah, c'est... Mais enfin, vous savez quand même remplir une feuille d'impôt. Ah, je sais remplir une feuille d'impôt, oui. Pourquoi ne savez pas, vous? Mais d'ailleurs, c'est la première fois que je déclare mes impôts. Les autres années? Je ne faisais pas de déclaration. Ah, pourquoi faites-vous une cette année? Parce que ce que j'ai gagné cette année, je ne suis pas imposable. Ah, il y a un fond honnête. Oui. Bon, alors, en haut à gauche, là, vous avez département. Oui, j'ai département. Ah, mettez un département. Ah bon, mais lequel? Ça dépend de vous. Si vous écrivez large, vous mettez un nom de département court. Si vous écrivez serré, un nom de département long. Ah, c'est comme ça? Oui, il faut que ça fasse propre. Ah bon. Alors je vais mettre un. Un quoi? Un, le département. Ah, Alain. Ah, il faut mettre son prénom. Non, le prénom, c'est après. Ah oui. De toute façon, je ne m'appelle pas Alain. Alors mettez Var. Var, d'accord. La commune. Quelle commune? La commune du Var, vous êtes né? Je suis pas né dans le Var, je suis né dans l'Ain. Alors mettez Brest. Brest. Ouais. Ah non. Aurillac. Ah bon. Je confonds toujours les deux ports, moi. Bon, alors ici, vous avez un nom en capitale. Oui, j'ai un nom en capitale. Ah, mettez un nom en capitale. Qu'est-ce que vous avez mis, vous? Moi, j'ai mis Colbert. Colbert. Colbert. Moi, je vais mettre Destin. Ah, Destin, c'est l'avenir, c'est bien, ça. Le prénom? Paul 6. Pourquoi 6? Parce que je suis le 6e d'une famille de 6 garçons, on s'appelle tous Paul. Ah, dis donc. Heureusement que c'est pas Léon, il y en a eu 13. Oui. Allez, vas-y, Paul 6. Date de naissance? 1515. Non, je vous en prie, ne plaisantez pas, mon vieux. Hein. Bah quoi, c'est une belle victoire française, non? Ah, c'est possible, mais qu'est-ce que vous allez payer comme rappel? Eh ben, j'avais pas pensé à ça. Bah, faut y penser, mon vieux, pense. Bon. Alors, je vais mettre 1937. C'est plus modeste. Voilà. Lieu de naissance. Bah, à l'exposition. Forcément. Au parc des attractions. Nationalité. Alors, yougoslave par ma mère et douteuse par mon père. Mais t'es anglais. Anglais. Profession. Moule marinière. Bon, j'ai dit profession. Eh ben, je suis moule marinière. Et où ça? Au Folies Bergères, dans le tableau des fruits de mer, je suis moule marinière. Ah ben, j'irai vous voir un dimanche en matinée. Oui. Hein. Mais ben alors, ne venez pas après 5 heures, parce que je me referme. D'accord, oui. Vous apporterez du persil. Mais vous faites ça toute la journée? Non, le matin, je suis bedeau. Ah oui, ne changez pas de couleur. Non, hein. Ben, mettez bedeau, c'est plus sain. Bon, d'accord. Bedeau, ce qui n'est pas l'horticaire. Oui. Bon, alors... Ensuite, numéro de la carte d'identité pour les étrangers. Vous n'êtes pas étranger, vous êtes anglais. Ah ben oui, j'ai déjà oublié. C'est pas une nationalité, c'est un cas. Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Moi, j'en ai pas de ça. N'avez pas? Ah non, j'en ai pas. Bah, mettez un 19-12. Un 19-12. Donc, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le tiercé de dimanche dernier. Vous avez gagné? Oui, dans le désordre, tous les choses sont tombées. Alors, il y a une barrière au départ. Bon, alors. Ah, situation de famille, c'est très simple. Vous répondez par oui ou par non? Ah, bah, c'est simple. C'est banal, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous célibataire? Oui. Êtes-vous marié? Oui. Êtes-vous veuf? Oui. Êtes-vous divorcé? Oui. Avez-vous des enfants? Non. Ah, une défaillance. Ce jour-là, j'étais malade. Ah oui, il y a de quoi, oui. Mais vous avez des enfants adoptifs à votre charge? Ah oui. Alors indiquez-les. Mais il n'y a pas assez de place. Bah mettez vos préférés, c'est pas... Ah bon, d'accord. Alors voyons, Rameau, Septuagésime, Armistice, Mardi Gras, Micarel. Ça va, ça va, ça va. Mais je ne mets pas Yvonne. Non, ça ferait bizarre. Ah bon, tant pis. Bon, alors, vous tournez la page, et alors là, vous avez revenu imposable, profession exercée par vous. Alors je remets Bedeau. Mais cette fois sans H. Qu'est-ce que je mets? Un T, comme vous êtes anglais. Un T, d'accord. Un T nature. Oui. Bon, alors, nom et adresse de votre employeur. Ben, c'est le directeur des Folies Bergères. C'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on peut pas être bedeau, Folies Bergères. Ça, même avec des plumes, ça ne passe pas, quoi. Non, enfin, ça n'est pas parce qu'on danse tout nu qu'on n'a pas de religion. Oui, c'est possible, mais un bedeau n'a pas sa place dans un lieu frivole, n'est-ce pas? C'est tout. Oui, bah ben alors, la démocratie est un vain mot. Bon, on verra ça plus tard, en plus des trucs là maintenant. Mais qu'est-ce que je mets comme employeur, moi? Bah, Monseigneur Feltin. Ah bon? Monseigneur Feltin. L'adresse? Notre-Dame de Paris, Paris. Notre-Dame de Paris, Paris. Ils trouveront. Bon, ben. Enfin, de toute façon, ça aurait toujours été. Alors, allez-y. Alors, ensuite, traitement, indemnité, monument, somme, touché en 62. Qu'avez-vous touché en 62? 27 francs. Ancien? Non, nouveau, je travaille pas pour rien, moi. Débrouillard, hein? Mettez 27 francs. Alors, 27 francs, voilà. Avantage en nature. Ah, qu'est-ce que vous avez mis, vous, là? Moi, j'ai mis Terrine du chef. Terrine du chef? Oui, à Noël, on m'a fait une Terrine du chef, alors j'ai mis Terrine du chef, moi. Ah bon? Eh ben, alors, moi, je vais mettre Macro vin blanc. Ah ben, mettez Macro vin blanc, c'est vrai. Oui, c'est... Alors, si c'est en boîte, vous ne comptez pas la clé, hein? Ah, pas... Bon. Déduction des frais professionnels. Oui, ah ben, avant, il y a ça. Y a ah oui, total des gains acquis. Oui, oui c'est vrai, qui n'est pas japonais. Non. Non. Alors, vous additionnez les sommes touchées en 62 plus les avantages en nature, ce qui nous donne 27,3 macro vin blanc. Ah d'accord. 3 macro. Voilà. Alors, déduction des frais professionnels. C'est-à-dire? Bah moi, j'ai déduit le prix de mon thermomètre. Mais qu'est-ce que vous faites comme métier, vous? Je suis mannequin en thermomètre. Pour qui? Bah pour ceux qui veulent acheter les thermomètres. Pas. Vous présentez ça comment? Sous le bras. Ah bon. Bon ben, moi je vais déduire le prix de ma coquille de moule. Ben, la coquille de moule et la calotte de bedeau. Et la calotte de bedeau. Ben, pendant que j'y suis, je déduis une paire de calottes. Ben, mettez-le une paire de calottes, oui, tiens, ça. Voilà, ça leur fera les pieds. Une paire de bon. Alors, de ce total, vous allez déduire 20%. Oui. C'est-à-dire 27,3 macro vin blanc, moins une coquille de moule et une paire de calottes, multiplié par 20 divisé par 100. Oula. Ben, c'est... Enfin, écoutez, j'y vais, hein, je me jette à l'eau. Ben, si vous jetez à l'eau, comptez la bouée. D'accord, moins une bouée. Bon, allons-y. Voilà. Ça nous fait 17 francs, un bedeau au vin blanc. Il doit être immangeable, ce truc-là. Hein. Oui, bah, recomptez, vous avez dû vous tromper, là. Vous croyez? Il ne faut pas frauder. Ah, non, attention. Attention. Oh, oui. J'ai oublié de déduire les calottes. Alors, retirez les calottes, voyons ce que ça donne. Voilà, les calottes, ça nous fait... Ça nous fait 17 francs, un bedeau nu-tête au vin blanc. Voilà. Voilà. Alors, de ce total, vous allez déduire encore 20%. Quoi encore? Ah, il vous le demande, il faut le faire, sans ça, c'est 10% d'amende. Oh là, allons-y rapidement. Allez-y, alors, oui. Hein. Dites, si vos dents vous gênent, jetez-les. Non, merci, ça va. Oh bah ça par exemple. Eh ben ils me doivent 3 semaines au Baléares. Par exemple Rousseau qui nous dit effectivement. moins que Dieu existe, mais un petit peu comme un horloger qui fabrique votre montre, il n'est pas responsable des retards de votre montre. Ça, c'est un déiste. Un théiste vous dira non, il est responsable de tout, mais le déiste, on a dit aussi qu'il était athée. Non, il faut être précis sur le vocabulaire. Ces modalités de la croyance ne sont pas une modalité de l'athéisme. Ce sont des modalités de la croyance, mais l'athée est celui qui clairement dit Dieu n'existe pas. Et pour ça, il faut attendre tardivement, je pense, dans l'histoire des idées, puisque finalement, c'est en 1729 qu'on découvre à sa mort le testament de l'abbé Mélier, qui est, à mon avis, mais avant qu'on retrouve peut-être un texte plus ancien, mais le premier texte dans lequel on nous dit clairement que Dieu n'existe pas, que la religion est une fiction, et que la religion, elle est l'allié objectif du pouvoir qui opprime le peuple. Les choses sont clairement dites, la religion, elle est la machine de guerre qui permet de soumettre le peuple. Ces choses-là sont dites par Jean Mélier, qui est un curé. Ça me paraît sympathique que le premier athée soit un curé. Il y a évidemment lui, on ne l'enseigne pas. Moi, je l'ai enseigné à l'Université populaire. J'ai consacré un certain nombre de séances. Et il a été pillé par tous les matérialistes. Lamettrie, D'Holbach, Helvétius, Voltaire, qui, lui, n'était pas athée, contrairement à ce qu'on dit. Voltaire n'a jamais été athée. Voltaire était déiste. Et il considérait que Dieu existait, d'accord, il était le grand horloger du monde, et qu'il n'était pas très soucieux de ce qui se passait par la suite, mais que le peuple, que Voltaire a toujours détesté, eh bien, lui avait besoin de religion. Et qu'il fallait donc faire peur au peuple avec la religion, même s'il passe pour une espèce d'anticlérical, les choses sont bien plus compliquées que ça. Voltaire était un déiste qui a détesté les athées, et qui s'est servi du testament de l'abbé Mélier pour faire un faux, pour falsifier ce faux, et laisser croire que Mélier avait fait un texte déiste. Alors que ce texte n'est pas du tout déiste. Je vous invite à le lire et vous verrez, les 1000 pages de Mélier sont un cri de guerre contre le Dieu, l'existence de Dieu, l'existence des religions, l'existence du christianisme. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a véritablement une pensée athée. Et qu'on peut penser la laïcité comme la pensée qui nous dit qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on ne veut pas Dieu, et qu'on veut même la négation de Dieu, et qu'on veut penser la négation de Dieu. C'est difficile à cette époque-là parce qu'on considère que les philosophes du XVIIIe sont des philosophes athées, très peu le sont. D'Holbach l'est, c'est à peu près tout. Diderot à un moment, mais on n'est pas très sûr, à un moment il est panthéiste, lui-même n'est jamais très sûr de ses idées. Et puis d'autres qu'on a présentés comme des athées, je pense à Lamettrie ou je pense à Helvétius, ne le sont pas. Il y a une lettre dans laquelle Lamettrie parle de l'invocation qu'il fait à Dieu parce qu'il a perdu un enfant. Et puis il y a un certain nombre d'occurrences du mot Dieu dans l'esprit et dans de l'homme d'Helvétius. Donc l'athéisme n'est pas le siècle du 18e, ou le 18e n'est pas le siècle de l'athéisme. Et des gens comme Robespierre, par exemple, défendront l'être suprême. Il y aura un culte de l'être suprême, il y aura un grand culte du Rousseau, de la profession de foi du vicaire savoyard. On oublie que l'abbé Yvon écrit un texte sur les athées dans l'encyclopédie et que cet abbé Yvon invite à la peine de mort pour les athées. Donc l'encyclopédie défend la peine de mort et l'encyclopédie est tout à fait opposée à l'athéisme et aux athées. Et il faudra attendre véritablement. Et je passe un peu rapidement sur les périodes, mais il faudra attendre véritablement Nietzsche pour qu'on ait une pensée qui envisage le post-christianisme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on découvre ce qu'est Dieu, la fiction. Nietzsche était un lecteur de Feuerbach. 1844, par exemple, pour les textes majeurs de Feuerbach, et c'est la date de naissance de Nietzsche, donc un petit peu plus tard, il aura le temps d'aborder cette pensée-là et de voir comment les choses ont pu fonctionner sur le terrain de la construction, de la constitution du christianisme. Donc déconstruction de Dieu, déconstruction de la religion et proposition d'une pensée post-chrétienne. C'est la première fois qu'on ose penser pour l'après-christianisme. C'est la première fois qu'on se dit que le christianisme est dépassable. Il le dit dans la fin de l'Antéchrist, il imagine qu'il faudra raser le Vatican et faire un élevage de serpents sur ce qui restera du Vatican rasé. C'est tout un programme. Et à partir de ce moment-là, renforcé par Feuerbach, chauffé de Nietzsche, Feuerbachien, ce qu'il est, hein, et qu'on a la possibilité vraiment d'une pensée franchement athée. On a fini finalement notre cycle européen. Et on voit bien que dans un moment comme le 19e siècle, avec la déconstruction du christianisme, eh bien, cette Europe, elle disparaît. Elle a disparu, à mon avis, déjà, mais elle est en train de disparaître avec le 19e siècle, avec la décapitation de Louis XVI, pendant la Révolution française, parce que d'un seul coup, la théocratie n'est plus possible ou pensable, puisque le roi est le représentant de Dieu sur Terre, qu'on peut lui couper la tête et que Dieu ne dit rien, et que ça continue tout de même. Et on se dit, mais alors, comment est-ce possible que les choses se passent ainsi? Et effectivement, il y a une déchristianisation un temps, mais Robespierre met fin à tout ça, mais je pense que la déchristianisation qui a été arrêtée par Robespierre, qui lui était déiste, eh bien, elle imbibe la totalité du XIXe siècle, et que nous en sommes les héritiers. Il y a eu, dans l'histoire, des grands moments qui sont des accélérateurs d'athéisme, je pense à la Shoah, je pense à la libération des camps, je pense à Hiroshima, je pense à un certain nombre de génocides qui font la démonstration que ça devient difficile de croire en Dieu, du moins de croire à un Dieu qui laisserait faire ce genre de choses. On s'aperçoit bien que le mot de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, est à inverser. C'est bien parce que Dieu existe que tout est permis, puisqu'il se permet tout et que Dieu reconnaîtra prétendument les siens. Donc on est dans cette configuration où effectivement il faut penser l'articulation du politique, de l'éthique et du religieux dans une nouvelle modalité. Et on arrive là au rôle du laïc récent, contemporain, celui qu'on connaît aujourd'hui. Il reste, ce laïc-là, le personnage qui a confiance en la raison. Il n'a pas foi, mais confiance en la raison. Charline Vanhoenacker, les Belges proposent de simplifier l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir en le rendant invariable. Ah, et on vous a bien trollé la rentrée avec cette idée. Hein, vous étiez rivés sur l'interdiction du portable, la cantine bio, tous ces gadgets, et puis hop, on arrive avec une petite révolution sur le fond. Oui, l'accord du participe passé employé avec avoir, quand le complément d'objet direct est placé devant. Il s'accorde, placé derrière, il ne s'accorde pas. Ça prend des plombes à apprendre aux gamins, et tout ça pourquoi? Parce que les moines copistes étaient des feignasses et qui ne revenaient pas en arrière pour accorder avoir. Alors nous, les Belges, on vous propose de simplifier la règle. Ça va, faites pas vos goulots réfractaires. Hein. Vous avez déjà bien simplifié le code du travail, les retraites, l'assurance chômage. Vous pouvez bien simplifier la grammaire, non? La langue française est tellement compliquée, c'est à se demander comment Pasteur a réussi à se dégager du temps pour trouver un vaccin. Vous savez que nous, les Belges, on aime la simplicité. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à épeler mon nom de famille à haute voix. Ah bah vous voyez, voilà, voilà. Alors je vois bien que ça ne vous plaît pas hein, qu'on touche au participe passé. J'ai d'ailleurs lu quelques exemples très subjectifs dans la presse. Les frites que j'ai mangées et la coupe du monde qu'ils ont perdu très bas celui-là très bas. Mais les amis, si on n'accorde plus le participe, on gagne de la place. Pardon, mais en Belgique, on ne publie pas toujours des romans. Nous, on fait dans la BD, il faut que ça rentre dans les bulles. Puis bon, la langue française, on l'utilise quand même beaucoup plus que vous. Depuis que vous upgradez le process en B2B, on a bien compris que le français, c'était devenu ringard. Donc, laissez-nous nous occuper de la langue de Simenon et inventer des nouvelles règles compliquées pour votre nouveau dialecte de technocrate. Là. Hein, c'est bien d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais pendant que vous jouez à la baballe, heureusement qu'il y a des Belges pour s'intéresser aux évolutions du langage. Et en particulier au verbe avoir, puisqu'aujourd'hui avoir est plus important qu'être. Alors changer la règle, donc, hey, vous voyez que c'était pas si compliqué d'envoyer Zemmour, Pelloni et Finkielkraut en réanimation dès la rentrée. Natacha Pelloni qui vient de prendre la tête de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Et vous l'avez, la couverture du prochain numéro de Marianne? C'est Belges qui salissent la langue française, c'est Wallon qui nous gouverne, ou encore Nick Tagram mère, hein, avec un dossier spécial sur la langue du peuple français que la machine bruxelloise veut broyer. Elisabeth Lévy fait quelque chose. Merci Charline Vanhoenacker.

Mon voisin Cola, il n'avait qu'un coq, et ben ils sont payés le Coca-Cola. Ça peut être qu'un Parisien. Un Parisien de l'été, quand ta route est sèche. Parce que quand il a neigé un peu, il doit déjà moins vite, je trouve. Hein. Les Parisiens de l'été font les malins, la route est sèche. Hein. Quand il a neigé un peu. Font rire les Parisiens. Quand ils arrivent dans les Vosges l'hiver, il faut qu'il y ait de la neige partout, sauf sur la route. Ce matin, c'est pas vieux, ce matin, il y avait un Parisien parce qu'il rouspétait parce qu'il avait neigé sur la route. J'ai dit, mon pauvre monsieur, il n'y a qu'un endroit qui n'a pas de neige sur la route en ce moment dans les Vosges, c'est le tunnel de Sainte-Marie. Tu m'as te préviens, fais nuit toute la journée. Hein. Tu pourrais y aller qu'en nocturne. Non, les Parisiens. C'est une race. Hein. Et c'est une race. Il neige le vendredi, ils sont là le dimanche. C'est comme les patates qui sortent de terre. T'as les doriforts dans les 48 heures. C'est une race. Qu'est-ce qu'il va te dire un Parisien? Il va te dire qu'à Paris, c'est bien, que c'est bien. Il va te dire, ah, dis donc, mon pote, je vais te dire un truc. À Paname, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu peux sortir, c'est allumé partout. Tu sors, tu vas becter. Tu sors à n'importe quelle heure, tu vas guincher. T'emballes les gonzesses. T'es tellement bien chez eux que quand ils ont 3 jours de congé, c'est pour venir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, dis donc. Oh, dis donc, le bled. Oh, dis donc, le bled, il n'y a que dalle, on va se faire chier. Vous allez rester chez vous, alors. Ils viennent quand même. Plus n'importe comment, parce qu'on a inventé bison futé. Ça, il nous fait rire, bison futé. Partez pas samedi, partez tous dimanche. Non, mais t'as remarqué, chaque fois que t'as des bouchons en France, tu peux être sûr que c'est de la faute des Parisiens. Les grands bouchons nationaux, c'est les Parisiens. Ça peut pas durer comme ça, on va faire un tour de rôle. Allez, les Parisiens, vous allez rentrer chez vous, allumer la télé. On vous fera savoir à la télé quand ça sera votre tour de partir. Alors, les parigots, ils rentrent à la baraque, ils se mettent devant la télé. Qu'est-ce que vous faites tout le temps devant la télé? Parce que derrière, on voit rien. Hein. Puis un jour à la télé, on leur dit, ça y est, il y a neigé dans les Vosges, vous pouvez partir. Alors j'ai un cousin qui habite à Paris. Alors il m'appelle, il me dit, dis donc, on vient de dire qu'il y a neigé dans les Vosges. Ah, dépêche-toi de venir avant que ça fonde. Ben, ils ont dit comme ça qu'il fallait des équipements spéciaux. Prends-les si ça te fait plaisir, prends-les. Lui, il a mis les chaînes sur le féripérique là-bas. Il est arrivé chez nous, badaling. Les chaînes complètement usées, de toute façon ça lui aurait servi à rien, il avait mis les chaînes sur les roues arrière de la 2 chevaux. Alors les parigots, ils partent de Paris, il fait jour. Mais l'hiver, la nuit vient vite. Alors ils arrivent dans les Vosges, bien sûr. Il fait nuit, oui, pas le paysage. Ils vont dormir à l'hôtel, c'est le lendemain matin, en ouvrant les volets. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Oh, la neige! Qu'est-ce que c'est blanc! Oui, parce que de la noire, on n'en voit pas souvent. Mon Dieu, la chance que vous avez d'habiter dans un pays comme ça, c'est vrai. Vous ouvrez les volets le matin. Tu viens avec nous, tu prends l'appel. Ils savent pas, ça. Ils savent pas que pour aller de chez toi jusqu'à la route, à l'appel. Quand tu arrives au bord de la route, tu fais encore une petite place pour remettre ton auto. Quand tu reviendras casser la croûte à midi, tu reviens casser la croûte à midi, il y en a un qui a pris ta place. Un, t'es sûr que c'est un Parisien. Estime-toi heureux si t'as pas piqué ta pelle en plus. Bon, moi je comprends qu'ils ont envie de venir respirer un peu autre chose qu'à Paris quand on voit la vie qui mène là-bas. Le gamin, mon cousin, le gosse là qui devrait être en pleine croissance, mais il est tout gris. Tu penses à Paris, il respire de l'air qui a été pété 3 fois. Tu sais pas, est-ce qu'il déjeune le matin qui va se faire des globules rouges, hein? Tu sais ce qu'il prend pour déjeuner le gamin là? Des flocons d'avoine et du lait. Tu sais ce que je donne à la mère de lapin quand ta couvée ne va pas bien? Non mais, j'ai dit à son père, t'as qu'à me l'envoyer une paire de semaines dans les Vosges, le postage va lui refaire une santé, moi. Tu vas voir le matin au réveil des tartines de Munster dans le vin chaud. À 10h, des brochettes de bûcherons, un sanglier, un chevreuil, du lard autour de tout ça. Son père, il m'a dit, dis donc, c'est comme ça que tu manges, tu vas tomber malade, hein. T'as chopé du cholestérol. J'ai dit, je m'en fous, j'aime mieux mourir bon vivant avec du cholestérol que de vivre tout gris en mangeant des graines d'oiseaux, hein. Du lait sur la table du temps de mon grand-père, ben ça aurait bardé, je te le dis. Ça aurait bardé. Parce que bien sûr qu'on en avait du lait, on en avait du lait, puisqu'on avait des vaches. Mais le lait, on le vendait aux Parisiens. Du lait sur la table du temps de mon grand-père, sacrilège. Hein. Je me rappelle quand ton grand-père faisait la prière pour tout le monde avant de casser la croûte, il disait, Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien, le pain seulement, le pinard me débrouillerait bien tout seul. J'avais déjà peur des quotas. C'était une autre époque en ce temps-là. On ne peut pas comparer en ce temps-là. Même les coqs pondaient. Voilà. Comme maintenant, c'est bien le job. Si les poules veulent t'en lâcher de temps en temps. Et si elles t'en lâchent un malheureux, s'il n'est pas fêlé, où c'est qu'il va? J'ai eu ce cru. C'est les Parisiens qui mangent les nouilles. Un Parisien qui mange un œuf, il ne sait pas si la poule a eu mal au cul. Ils ne savent même pas comment c'est fait les œufs, les Parisiens. Non, ils croient que c'est l'épicière qui les fabrique dans l'arrière-boutique. Le gamin qui est venu en vacances chez nous pour traire, quoi, il fallait pomper avec la queue de la vache. Alors. Alors ils sont bien obligés de se rendre compte qu'on est plus malin qu'eux, ça du côté, là c'est sûr. C'est sûr, on est plus malin qu'eux, ça leur plaît pas. Ils aiment pas, hein. Ils sont vexés. Hein. Et quand ils sont vexés, ils deviennent méchants, faut voir comme ils nous traitent. Hein. Ils nous disent, Vosgien, tête de chien. Bon, je réponds, parigo, saligo. Bon, c'est sûr que c'est pas tout de leur faute non plus. C'est vrai que c'est pas tout de leur faute, c'est la France qui est faite comme ça. Puisqu'en France, il n'y a que Paris qui compte. C'est vrai, débrouille-toi comme tu veux, il n'y a que Paris qui compte. Tout est à Paris. Les lois, où c'est qu'elles sont votées? À Paris. Eh oui, à Paris. Les ministres, où c'est qu'ils habitent tous? À Paris. Le président de la République, où c'est qu'il habite? À Paris. En voyage, souvent. Ça m'a échappé. Mais c'est vrai, tout est à Paris. La télé, la météo de chez vous, faut que ça passe par Paris, t'as compris quelque chose, toi. Ah, mais, non, mais c'est vrai, la météo, ils nous téléphonent chez nous le matin à bonne heure pour savoir le temps qu'il fait, ils nous le redisent le soir à 8h30 pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Et le coup là que j'étais à la télé, vous n'avez pas vu souvent la grande télé, si, France 3, Nancy, bon, oui, mais les grandes émissions, quoi. Pas souvent, hein. Ah, une que je... Oh là là, ça, c'était une belle émission. Elle n'existe plus. C'est pas de ma faute. C'était avec le Michel Drucker. Elle existe encore, le Michel Drucker. Oui, elle existe encore. Comment elle s'appelait, l'émission, là? Voilà, les chants civilisés, c'est ça. Et le coup là, j'ai dit à Michel Drucker, avant de remonter à Gérard May, j'ai dit, Michel Drucker, il faut que vous m'expliquiez quand même pourquoi la télé de chez nous, elle arrive. Il faut qu'elle aille chez vous avant de revenir chez nous. Michel Drucker, gentil comme tout, il m'a dit, je vais vous expliquer. Et il m'a expliqué. Et moi, j'ai le temps de vous expliquer ce qu'il m'a expliqué. Non, il n'y en a pas pour longtemps, vous allez voir. Non, c'est pas gagné. C'est pas rigolo. Déjà tout à l'heure, mes sabots, maintenant on oublie un truc. Nom de bois. Pourtant, j'étais là avec Dominique, qui peut vous le dire, les techniciens de la salle aussi, les organisateurs aussi. Oui. On est venu cet après-midi pour tout régler. Hein. On a tout fait. On vous a mis des chaises, vous ne soyez pas debout, déjà. On nous a mis des micros, on a mis de l'éclairage, on a été jusqu'à mettre du papier au cabinet. J'ai oublié la carte de France. Je voulais, parce que pour parler de la météo, comment ils font à la télé? Eh ben, ils mettent la carte de France derrière l'écran, puis ils expliquent la température, le vent, la neige, tout ça. Et j'ai dit, pour bien faire comprendre à Toul, on va faire une grosse carte de France, on la mettra au fond, là-bas. Et le pire, c'est que je l'ai faite, la carte. On a oublié de la décharger. Elle est restée dans la camionnette. Bon, comme ça, vous verrez que c'est du direct. On va trouver un truc. On va dire que la carte de France, c'est moi. Voilà. Ouais, il faudra un peu d'imagination, mais... Attendez, je vais mettre dans le même sens que vous, vous comprendrez mieux ça. Je vous tourne le dos, c'est pas poli, mais il n'y en a pas pour longtemps. Vous allez voir. Bon, la carte de France, ça va peut-être faire trop long, on s'arrête à Lyon. Hein, mais ça bosse, c'est Lyon, suivez bien. Mon chapeau là-haut en haut, ça, tout en haut, on va mettre quoi? Mais non, pas Lille, oui, Dunkerque, bien sûr. Ben, je t'en reconnais, on était de 20, hein. Dunkerque. On va écarter les bras, on va mettre quoi là-bas? Brest, et là? Strasbourg. Strasbourg, voilà, Nancy, Toul, c'est par là. Donc on va mettre Brest, Strasbourg, on est déjà d'accord là-dessus. Où c'est qu'on va mettre Paris? En plein dans mon commandant. C'est pas ma faute, c'est le croquis. C'est pour rien, moi. Paris. Paris est coupé en deux par la Seine. Mais ici, la Seine, avec les bateaux mouches. Ah, ce soir, il n'y aura pas les bateaux. Il y aura peut-être le mouche. On verra bien. Donc on avait dit Paris, la Seine, rive droite, rive gauche. Bon, je peux pas vous montrer la tour Eiffel ce soir. Tout ça, ça serait les Invalides alors. Ça peut pas tout le temps être l'Arc de Triomphe non plus. Tant que c'est pas le musée Grévin. Encore que le musée Grévin, ça dépend à quel moment qu'on met la cire aussi. Et on continue parce qu'on ne saura plus où on en est. Hein. Donc, on a dit Paris, Brest, Strasbourg. C'est lui qui habite à Brest là-bas. Il voit le mauvais temps qui arrive. T'as remarqué qu'en France, le mauvais temps, ça vient toujours par l'ouest. Hein. C'est le contraire des invasions. Si tu habites à Brest là-bas, tu vois le mauvais temps qui arrive, il téléphone aux Parisiens. Pour leur dire attention, le mauvais temps qu'on a aujourd'hui chez nous, ça sera pour vous demain. Mais qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse à tous les deux du temps qu'il va faire le surlendemain à Strasbourg? Et pourtant, si tu regardes bien sur la carte de France, Brest et Strasbourg, ça se touche. Mais ici, si tu fermes la carte en deux. Et quand t'as fermé la carte en deux, Paris, c'est où? Dans le pli. En patois, chez nous, on dit dans la royotte. Dans la rainure, quoi. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, Paris, la Seine, ça concorde, hein? Alors, les Parisiens qui ne fassent pas les malins, parce que quand on veut péter plus haut que le cul, on n'habite pas à l'endroit là. Hein. Perdu autant, mais n'est-ce que...

Et surtout des joyeuses soirées matin. Je serai d'acheter les gens quand des honneux. Mais surtout des joyeuses soirées matin. Je serai d'acheter les gens. Je connais tous les airs de France. Je peux demander à tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que j'attends une nouvelle danse? Au poil longtemps, tout de suite aux labrados. Sans son de Paris, ou bien des Valenciennes. Oui, je vais dans les dos, et je t'en fais une ragaine. Ouais, Caponoul, j'ai ta cormée, quel mieux. J'ai mis plus décoré, tous les cordéonneux. Surtout les joyeuses soirées matin, je fais danser les gens comme des honneurs. Mais surtout les joyeuses soirées matin, je fais danser les gens. Et voilà, les ch'tis sont pas tristes, hein. Alors, c'était le chanteur, l'accordéonneux, c'était Raoul de Godvarsvelde. Raoul de Godvarsvelde, il est c'est Jean-Yann qui l'a fait connaître sur les ondes d'Europe 1 dans les années 1960, par là, quand il faisait son émission du dimanche matin de 9h à 11h. Il faisait 2 heures d'émission où il parlait de différents sujets. Raoul de Godvarsvelde, eh bien Jean-Yann nous l'a présenté comme étant la Nana Mouskouri du Nord. Hein, voilà, hein, une belle voix, Nana Mouskouri, enfin Raoul de Godvarsvelde. Hein, voilà, ça montre que bon, les gens du sud de l'Italie peuvent être très gais, hein, très très joyeux. Et puis les gens de Norvège ou de Flandre ou de Belgique du Nord ou du Sud ou d'Allemagne etc. peuvent être très joyeux aussi. Ça dépend du moment, ça dépend de la vie qu'on leur fait. Hein. Donc Raoul de Godvarsvelde, la Nana Mouskouri du Nord, comme disait Jean-Yann. Alors Jean-Yann, on l'a entendu tout à l'heure dans son histoire, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et puis avec Daniel Prévost, son sketch sur les appariteurs musclés qui étaient chargés de lutter contre les manifestants à Nanterre en 68. Vous vous rendez compte, 1968, ça ne rejoint du pas ça. 1968, il se passait des choses en 1968. Oh là là, le monde était en train de changer. Il était en train de changer, il a changé radicalement. Comité d'entreprise, hygiène et sécurité, etc. Il y a eu plein de choses qui sont mises en route en 68. Alors, les gens qui nous gouvernent, qui nous commandent, qui nous dirigent, ont donné d'une main pas mal de choses, parce que contraint et forcé, hein, ouais. Bon, ils les ont reprises progressivement depuis, hein, et puis même actuellement, ils seraient en train de revenir encore avant 1940, hein, si possible, en tout cas avant 1945, avant les ordonnances du Conseil national de la Résistance. Eh oui, si on les faire, ça veut dire que nos anciens ont eu tort finalement de faire tout ce qu'ils ont fait, de prendre tous les risques qu'ils ont pris pour améliorer la situation du pays et de ses habitants. Si nous, on n'est pas capable d'être dignes d'eux, ma foi, voilà. Hein, eh bien, oui. Alors, il faut être... eux, ils étaient résistants. Eh bien, nous, on peut être insoumis. Alors, les insoumis, le groupe des insoumis à l'Assemblée nationale, c'est 17 députés. 17 députés seulement, mais 17 qui en valent beaucoup d'autres. Ils ont posé en tout 575 questions au gouvernement en un an. 575 questions pour 17 députés. 14 501 interventions. Rendez compte, 14 501 interventions ils ont faites. Ça fait du travail tout ça pour préparer. Hein. 3 708 amendements. 24 propositions de loi. Ils sont les premiers en nombre d'interventions. Bravo la France insoumise, bravo. On sait qu'on peut compter sur vous, il y a des gens courageux, des gens travailleurs, des gens qui ont des idées, des gens qui réfléchissent et qui nous expliquent les choses. Et ça, c'est drôlement bien. Parce que tous les autres, eh bien, tous les autres, moi, j'aurais tendance à dire, comme je ne sais plus qui, je mets tout ça dans la cuvette des WC et je tire la chasse. Bon, mais les insoumis, eux, ils méritent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les écoute, qu'on les soutienne. Parce qu'on va avoir besoin d'eux dans les mois qui viennent. Vous allez voir que seules leurs idées, les idées des insoumis, nos idées en fait, hein, nos idées, eh bien, valent la peine d'être défendues. Les autres, bon, voilà, hein, bon, hein. Allez, un peu de musique. Les vinyles, ça démarre pas toujours tout de suite, hein. Alors... La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type papa, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. De la belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. Et si on faisait une petite revue de presse, comme ça, vite fait, hein, juste les titres. L'épicéa des Vosges attaqué par le scolyte. Les propriétaires forestiers privés à la tête de petites parcelles tirent la sonnette d'alarme. Les épicéas subissent une attaque d'envergure de scolyte qui ont proliféré grâce à la chaleur. Bon, ben la chaleur maintenant, c'est terminé. Alors donc, les scolytes, ils vont rentrer chez eux, c'est sûr. Corée du Nord, défilé sans missiles et avec Depardieu. Un 70e anniversaire sur fond de réchauffement diplomatique. Des milliers de soldats aux pas millimétrés, des blindés rutilants, des lance-roquettes multiples. Et dans le ciel, des biplans formant le chiffre 70. Pyongyang a eu droit à un défilé militaire à la chorégraphie impeccable hier pour célébrer la proclamation de la République populaire démocratique de Corée. C'était le 9 septembre 1948, 3 ans après la division de la péninsule par Washington et Moscou au dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, les deux grands se sont partagés ce petit pays et puis voilà. Ils ont coupé les familles en deux, ils ont coupé le pays en deux, sans s'occuper de l'aspect humain de la politique. On a été plus à ça près. Hein. On venait de terminer une guerre mondiale avec 70-73 millions de morts, alors on n'était pas à ça près, hein, couper un pays en deux. Politique, commission d'enquête, l'affaire Benalla. Benalla, le Sénat ne lâche pas l'affaire. Emmanuel Macron espérait avoir tourné la page de l'affaire Benalla, mais c'était sans compter avec la pugnacité de la commission des lois du Sénat et de son président Philippe Bas. La commission d'enquête reprend ses auditions mercredi. Alors ça, c'était le journal du lundi 10 septembre. Donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Hein, de... Les géants du net menacent l'avenir de votre journal. Ah, c'est vrai que on s'aperçoit que souvent, si on veut avoir des nouvelles fraîches et des nouvelles vérifiées ou en tout cas contradictoires, eh bien, c'est sur le net qu'il faut aller. Eh oui, parce que les journaux, les télés, ils sont tellement bien à la botte que on n'arrive à rien savoir avec eux. Ouais, c'est plus d'informations, c'est de la propagande. Alors, édition, vote demain au Parlement européen. Alors, demain, c'était le 10 septembre, donc c'est le 11. Quand est-il sorti? Je ne sais pas trop. L'avenir de votre journal, de toute la presse, des milliers de salariés et la garantie d'une information pluraliste et professionnelle. Oh, punaise, ils osent dire ça, une information pluraliste. Quand vous achetez un journal de droite, hein? Comment vous pouvez acheter autre chose qu'un journal de droite? 99% des journaux sont des journaux de droite, en France, et ailleurs aussi sans doute. Alors donc, information pluraliste, hein, oui, bah oui, et professionnelle, dépend d'un vote des députés européens. Ils doivent se prononcer mercredi sur une directive qui permet aux éditeurs d'être rétribués par Google, Facebook et consorts qui s'emparent de leur contenu pour générer des profits. Générer des profits. Et puis aussi informer les gens. Depuis qu'il y a eu des radios libres, d'ailleurs vous avez remarqué qu'il y en a de moins en moins. Les radios libres deviennent de plus en plus locales, de plus en plus commerciales et de moins en moins libres par conséquent. Eh ben oui, c'est comme ça. On avait réussi à conquérir un espace de liberté et on est en train de nous le grignoter avec parfois la complicité. Comme disait l'autre, le traître sera trahi. Ah! Je crois que c'était Pierre Dac qui disait ça sur les antennes d'une radio libre de l'époque. C'était la BBC, la radio de Londres, qui envoyait tous les soirs des messages à destination de la population française qui était restée propriétaire d'un poste de radio et qui pouvait se permettre de l'écouter discrètement, bien sûr, parce que c'était formellement interdit d'écouter Radio Londres. Hein. Et alors, il disait entre autres, par exemple, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Chose qui ne serait plus concevable maintenant. Hein. Radio Paris, c'est Radio Paris. Hein. Radio Paris, c'est Radio Paris. Alors, il lui disait à l'époque, hein, à l'époque, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Mais ça, c'était à l'époque. Hein. Et puis, il disait aussi que les journaux, les radios, enfin... Les radios, les télés, ça commençait seulement les télés. Il y avait très peu de gens qui avaient la télé. C'était un écran rond avec des images qui sautillaient quelques minutes par jour. Quand il y avait le son, il n'y avait pas l'image ou inversement. Et puis c'était excessivement cher, ce qui fait qu'il y avait très peu de gens qui l'avaient. Mais enfin, ça commençait à exister, quoi. Et Pierre Dac disait que, entre autres choses, disait « le traître sera trahi ». Eh oui. Et c'était vrai parce que il y a eu, je ne sais plus quel auteur a écrit à propos de la résistance dans les Vosges. Hein, il avait fait reportage sur tout. Le colonel Rémy, qui était le chef des services de renseignement de la France Libre, service action et renseignement de la France Libre pendant la guerre. Il était en relation avec des gens qui étaient éparpillés un peu partout sur le territoire français, qu'il ne connaissait pas. Il ne les connaissait que sous un numéro, un matricule ou un pseudonyme. Hein, ou les deux alternativement pour brouiller les pistes. Enfin bon. Et alors, après la guerre, il a entrepris de... il a dit, tiens, tous ces gens avec qui j'ai fait la guerre, je voudrais bien les rencontrer physiquement, hein, voir. Et alors, donc, il a fait le tour des départements, puis il a allé voir ceux qui étaient connus pour avoir fait partie de la résistance. Puis on a demandé, est-ce que vous pouvez m'emmener voir deux ou trois de vos copains qui avec vous, font partie de tel ou tel réseau de résistance, j'aimerais bien voir un tel. Alors, il donnait les pseudonymes. Alors, les gens du terrain disaient, tel pseudonyme, ça correspond à monsieur, un tel. Et ils disaient le vrai nom, et avec la vraie adresse. Et ils allaient ensemble voir la personne, et puis ils discutaient de la façon dont les choses s'étaient passées, comment les gens percevaient les événements vus de France, et comment lui, il avait des renseignements d'un peu partout en France et d'ailleurs, et qui lui permettaient d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Et alors, on lui a raconté qu'il y avait un type à Épinal, un sale type, un traître, qui allait régulièrement porter des renseignements à la Gestapo. Il était passé à tel endroit, il avait entendu un petit bout de conversation, il avait suivi une personne, il avait un voisin, etc. Il allait moucharder. Un Français, un traître, il y avait 5% de résistants, mais il y avait 5% de collabos à peu près, puis 90% de moutons entre les deux. Ce type-là allait donc vendre des renseignements à la Gestapo Épinal régulièrement, le policier allemand à qui il faisait sa déclaration griffonnait une somme sur un bout de papier, lui donnait, puis lui disait, vous allez voir le comptable au fond du couloir à gauche, là-bas, et il vous donnera la somme en question. La prime à la traîtrise, au mouchardage. Alors le type, il y allait. Puis un jour, il dit, c'est pas la peine d'aller au fond du couloir. Là. Le comptable, il est maintenant, il est dans le petit bâtiment au fond de la cour, là, au fond à gauche. Alors le type, il descend. Et puis arrivé là, il y a un type qui l'attendait derrière la porte, qui lui met la main sur la bouche, puis qui lui dit, tu nous as trahis. Tu as trahi les tiens, tu nous trahiras. Et paf, il lui a tiré une balle à la tête. Voilà. Alors, il y avait un témoin par loin qui a pu raconter ça au colonel Remy. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'on peut dire le traître sera trahi. Et oui, celui qui trahit un jour ou l'autre, il trahit tout le monde. On peut lui faire confiance que jusqu'à une certaine limite. Hein. Et puis après, il faut s'en débarrasser. Et le plus rapidement, c'est le mieux, c'est le moins douloureux. Hein. Et voilà. On bousille la génération qui arrive. L'affaire Grégory. Ce dimanche, Marie-Ange Laroche était l'invitée de la semaine dans la nouvelle émission de BFM TV. Affaire suivante, présentée par Philippe Gaudin et Dominique Rizet, le consultant police-justice de la chaîne. Alors, je m'aperçois qu'il est 22h. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et vous donner rendez-vous à lundi pour l'émission Mosaïque.